Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Sophie Laforêt. Bonjour Sophie. Bon matin Marc. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Écoute, je survis à ma fin de session. Ah oui? Oui. Ben moi, je survis là, pratiquement à mon émission. Là. Oui, hein? Puis ton rhume, finalement, c'est correct. Ben ça s'estompe, là. Bon. Tranquillement, pas vite. Mais j'avais de déboucher tout à l'heure. Vois-tu comment se casser? Ben, en tout cas, c'est ça. Regarde, c'est plus ou moins important. Sophie, habituellement, les mardis, tu nous informes des principales sorties CD de la semaine, ainsi que tu nous fais nous présentes un des albums qui a marqué ton intellect ou ton intérêt. Pendant 2009, oui, durant l'année. En 2009. Donc, si on y allait tout de suite avec les principales sorties CD en cette semaine. Ça va être assez bref, seulement deux sorties qui ont attiré mon attention et que je jugeais pertinentes de vous partager. Rachid Taha, qui est un musicien franco-algérien, sort un album qui s'appelle Bonjour, tout simplement. Puis ensuite, Charlotte Gainsbourg, qui sort un album du nom de IRM. Et sur cet album-là se retrouve l'excellente pièce Heaven Can Wait, qu'elle a fait en collaboration avec Beck. OK. Avec un charmant vidéo, si vous voulez aller voir. Mm-hmm. Puis sinon, pour ce qui est de la chronique d'aujourd'hui, je vous parle d'une artiste qui est peu connue, je crois. En fait, là, à moins qui qu'on donc? Soit vraiment attardé... À son cas, c'est Bad for Lashes. Dans le fond, c'est une artiste qui prend ce pseudonyme-là pour son projet musical, mais son nom, c'est Natasha Khan. Et okay. Elle est originaire de Brighton, au Royaume-Uni. Donc, c'est une artiste autant du côté musical qui joue de plusieurs instruments, qui est auteure, compositrice, interprète et aussi artiste visuelle. Donc, avant de vous en parler davantage, on va aller entendre une pièce. Pourquoi pas? Et l'album dont il est question aujourd'hui s'appelle Two Sons. Ah, on écoute ça immédiatement, hein, Sophie? Oui, hein, donc la pièce qu'on entend s'appelle Sleep Alone. Sleep Alone, hein? Dormir tout seul. Moi, je ne ferai pas une mauvaise traduction. On écoute ça immédiatement, la pilule du lendemain, dans le cadre de la chronique stéréotonine. OK. You be seen, do we hear? Sophie Laforêt. Marc Périard. Écoute, c'est sûr que j'étais occupé à d'autres choses, mais j'étais pas sans écouter. C'est vraiment bon que cette pièce-là. Oui. Oui, j'adore ça. Je t'entends, tu aimes ça. Mais oui. Puis, c'est ça, pour en parler peut-être un peu de cet album-là, c'est son deuxième album qui est paru en avril 2009. Deuxième album qui suivait un premier album qui s'appelait Fur and Gold, qui était aussi un bon album. Mm-hmm. Sa musique est souvent comparée à Björk, Kate Bush, PJ Harvey, mais je vous dirais que ça va, mais dans une certaine limite. Là. Souvent, les comparaisons, ça sert plus de point de repère avant l'écoute, mais je pense que ça prend quand même tout le temps, relativement beaucoup de temps à se familiariser avec un album, surtout celui-là où il y a vraiment plusieurs styles qui sont annexés là, à chacune des pièces. Donc, okay. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime, c'est que ça rassemble plusieurs styles que j'aime, puis a réussi à garder un équilibre entre ces styles-là, mm-hmm. soit des touches qui sont new wave, indie, pop, rock, ambiant. Puis elle fait plusieurs montées avec sa voix. Là, elle a une voix assez aiguë. Puis je trouve que ça va chercher un côté, là, une sensibilité. Dans le fond, même si l'album a des sonorités des fois pop ou plus... comment je pourrais dire? Pas dance, là, mais il y a un petit quelque chose qui peut nous rappeler des fois Blondie ou des groupes comme ça avec la voix, mais avec une sensibilité qui s'ajoute à ça avec sa voix puis les textes aussi qui sont très bien écrits. En tout cas, je peux tout simplement parler pour la pièce qu'on vient tout juste d'entendre. Mais c'est vraiment bon. Oui, puis c'est le genre d'album... en tout cas, je trouve ça drôle parce que c'est pas tous les albums qui me font ça, mais mettons que je me promène avec mon iPod, ses oreilles, ben genre d'album, des fois, qui te fait sentir comme dans une comédie musicale. Là, ça a l'air un peu drôle, ce que je suis en train de dire, mais je trouve que chaque pièce est tellement prenante que des fois, tu te laisses juste aller à... comme si ça devenait ta trame sonore de ton parcours ou de ta journée. En tout cas, c'est peut-être un peu profond, là, matin, non, mais... là, mais... Non, mais moi, je te comprends. Je sais pas si les auditeurs te comprennent, mais en tout cas... Ah, je m'emporte, là. C'est mon petit côté... Tu t'appropries la pièce pour la personnaliser, la mettre dans un certain scénario qui t'appartient. Hein? C'est tellement bien résumé. Oui, j'aurais pas pu mieux dire. Trop fort. Oui, oui, vraiment. Pas rapport. OK, je te laisse poursuivre, ma chère. Ben sinon, c'est ça. En conclusion, je vous dirais aussi qu'elle intègre aussi parfois des instruments de musique classique, violon, piano. Ça ajoute aussi au côté sensible dont je parle. Puis sinon, si vous avez la chance, comme je disais, c'est une artiste visuelle aussi, donc elle accorde beaucoup d'importance à ses pochettes de disques, à ses vidéoclips aussi. Donc, vous pouvez aller voir ses clips là, facilement sur YouTube en insérant « Bat for Lashes » dans le moteur de recherche, qui est donc l'artiste dont on parle en ce moment. Oui. Et aussi, je vous invite à aller voir une de ses prestations de la pièce qu'on va entendre, la prochaine, qui s'appelle « Danielle ». Et elle l'a fait au show de David Letterman et c'était vraiment une bonne prestation à aller voir. Sophie Laforêt, ça complète ta chronique stéréotonine ce matin? Oui, plus qu'une chronique avant les fêtes. Ben oui, une dernière. Prochain. J'espère qu'on va te voir samedi prochain pour le souper, souper familial de Cifou, Zone Campus, etc. Je serai là. Bon, mais c'est très bien. Merci beaucoup, Sophie Laforêt. Donc, nous aurons le plaisir, l'honneur et le privilège et tout ça de te retrouver mardi prochain, aux alentours de 8h30, 8h32, pour la dernière chronique stéréotonine. Pas de l'année, mais ben oui, de l'année 2009. Oui. Mais tu vas poursuivre en 2010? Assurément. Tu peux annoncer ça en grande primeur ce matin? Ah, c'est une grande primeur. Bon. Stéréotonine revient en janvier. Ah, je serai pas tout seul, mardi. La pilule du lendemain, c'est ton émission du matin. 2 heures d'information, de culture, de sport et de divertissement. Tout ça agrémenté des palmarès de Cifou. La pilule du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7h à 9h. La pilule du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La pilule du lendemain, c'est l'ultime remède.